Salut et bienvenue pour ce deuxième vrai numéro de Pad and Play. Aujourd'hui je suis tout seul, et oui tout seul, triste et malheureux. Non je rigole, il y a eu pas mal d'empêchements qui font que je me retrouve tout seul aujourd'hui. Mais vous en faites pas, je vous ai prévu un petit programme sympathique. Donc Pad and Play, l'émission jeux vidéo de padipo.fr, avec une toute nouvelle musique d'intro, je sais pas encore si c'est celle définitive, mais je la trouve sympathique. Et donc voilà, c'est une émission enregistrée en direct comme toutes les émissions de padipo.fr. Et donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Papipolka sur Twitch si jamais vous voulez écouter les émissions en avant-première d'une certaine manière, avant qu'elles arrivent sur les flux podcastiques. Donc pour ce deuxième Pad and Play, j'ai quelques news, un petit test, ma foi, pas tout à fait complète, étant donné que j'ai pas terminé le jeu, mais disons que j'ai joué quelques heures, et une petite discussion que je vais faire avec le chat, parce qu'en direct il y a le chat, donc je lirai quand il y a des choses intéressantes sur le chat, et vous l'entendrez dans l'émission, ne vous en faites pas. Sur YouTube et sur Twitch, vous voyez le chat, mais pas sur, bien entendu, pas dans la version audio, mais ne vous en faites pas. Donc on va commencer avec une petite news que Feno m'avait partagée dans la journée, donc sur Stardew Valley. Tout ça pour dire que ça avance en fait, ça avance pas mal. La mise à jour 1.3, ils sont en train de... globalement ils ont quasi terminé, enfin il a quasi terminé. Le multijoueur est en phase de test et les bêta tests devraient arriver au printemps. Voilà, tout simplement. La bêta test qui devrait être publique j'imagine... qui devrait être facilement trouvable sur Steam avec un mot de passe comme il y a l'habitude sur les jeux Steam, tout simplement. Donc voilà, c'était la petite news, Stardew Valley, multijoueur, ce qui veut dire peut-être bientôt des lives sur la chaîne de Papipolka avec la bande. Ça va être vachement cool, parce que Stardew Valley, c'est le jeu de ma vie. Deuxième news, oui ça a l'air d'aller vite, mais c'est surtout que là c'était très court. Donc deuxième news, c'est le jeu qui est en fait plutôt un projet de jeu qui s'appelle P7, qui est prévu chez Remedy, et j'ai oublié de mettre l'image bien entendu, qui est prévu chez Remedy, qui sortira en 2019. Alors on n'en sait pas grand chose, tout ce qu'on sait c'est que comme aux habitudes de Remedy, ça sera un jeu à titre cinématique, à la troisième personne, donc un peu comme Alan Wake qu'ils avaient déjà fait, un peu comme Quantum Break qui est sorti plus récemment. Bref, c'est vraiment leur délire quoi. Sachant qu'ils avaient fait aussi les Max Payne, et Max Payne c'était aussi dans le même style, très cinématique, le scénario super important. Bref, voilà, P7, ça sera ça, et apparemment il y aura une dimension multijoueur. C'est ça qui me dérange un petit peu plus, parce que quand le multijoueur devient important dans un jeu, ça gâche le jeu quand on est un joueur très solo en fait. Et donc voilà, tout ce qu'on sait c'est que on n'a pas vraiment le nom du jeu, on sait que le nom du projet c'est P7 et que ça sortira en 2019. J'ai quand même hâte, étant donné que c'est Remedy et que pour l'instant je n'ai jamais été déçu par Remedy. Et franchement, j'ai vraiment hâte. Malgré le côté multijoueur qui me fait pas mal peur. J'ai l'impression que les news vont passer très vite. Cette émission va être très courte en fait. Ensuite, la rumeur, alors sachant que c'est des news qui sont plus ou moins anciennes, hein, ça fait à chaque fois toutes les émissions et toutes les 3 semaines. Donc forcément il y a des news qui peuvent être un peu anciennes. Et donc forcément, on regroupe pas mal de choses, mais j'essaie de garder le plus important. Alors il y a BullDM sur le chat qui dit que le truc c'est que les jeux multi ne se piratent pas, on t'enverra ça pour tous les jeux. Certes, mais c'est dommage pour ceux qui piratent pas comme moi. Et Zatsune qui dit les jeux online quand les serveurs ferment au bout de quelques années, voilà quoi. Oui, et justement on en reviendra un peu plus tard dans l'émission, il y a un sujet là-dessus. Donc la news suivante, donc Spyro, alors il y a des rumeurs, et c'est vraiment une rumeur, parce que jeuxvideo.com ont demandé à Activision, et Activision n'a rien confirmé, mais bon, on sait tous que ça sera le cas. Il va y avoir les remasters des 3 premiers Spyro, comme avec les Crash. On s'en doutait, moi personnellement j'ai toujours préféré les Spyro aux Crash, donc je suis super heureux. Pour moi, Spyro, c'est la vie. J'ai les trois premiers Spyro, mais c'était tellement génial, quoi, avec ce côté un peu cartoon et en même temps. Enfin, il y a des choses super intéressantes dans Spyro. Je trouve l'univers vachement intéressant à avoir et les méchants sont toujours cool, à part dans le premier. On va dire que le premier, c'est le moins bon des trois, mais il est quand même très bon, hein. Mais le 2 et le 3 ont ajouté un côté. Comment dire? Le 2 et le 3 ont rajouté des méchants qui étaient vachement emblématiques, quoi. Il y a eu. C'est Ripto, je crois. Je me souviens plus des noms parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Et j'avoue que là, j'ai pas pensé à aller chercher. Mais en gros, il y avait un petit empereur. Et puis dans le 3, c'était une reine qui voulait récupérer les œufs de dragon. Et franchement, voilà. Autant le Crash, j'ai aucune envie de l'acheter. Vraiment, hein, le remaster de Crash, ça m'intéresse pas plus que ça. Non pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas mon enfance. J'y ai joué pourtant, mais voilà, j'ai toujours préféré Spyro, et les Spyro, ça va être vachement cool. Par contre, j'espère que ça sera pas une exclu PS4 comme pour Crash. Enfin, Crash, c'est pas une vraie exclu PS4, hein, ça va bientôt arriver sur Xbox. Mais même en exclu temporaire, c'est quand même triste. J'ai les deux consoles, hein, donc... C'est pas une question de console en elle-même ou de moi personnellement, c'est juste que voilà, je trouve ça un peu dommage. C'est tout. Donc espérons aussi que ça sorte sur PC d'ailleurs, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de joueurs PC qui aimeraient bien jouer à Crash s'ils y ont jamais joué, ou s'ils ont joué petit et puis qu'ils ont pas de console, ou pareil pour Spyro. Donc espérons que tout ça va sortir aussi sur PC, parce que ça sera énorme. Et là, il y en a qui vont me dire « Oui, mais sur PC, il y a l'émulateur PS1. » Oui, oui, c'est vrai. Mais ça sera pas le remaster. Voilà. Ensuite, la news suivante, qui est en fait un gros coup de gueule de ma part, mais qui apparemment n'est pas que de ma part. Il y a le jeu Metal Gear Survive, qui devrait pas tarder. J'ai plus la date de sortie. Et ça se trouve, il est sorti, mais j'étais même pas au courant, c'est probable aussi. Mais dans tous les cas, le jeu est sorti cette semaine, donc il est sorti. Mais là où c'est triste, c'est que Metal Gear Survive, en plus d'être un jeu très moyen, hein, qui n'apporte rien aux jeux vidéo et qui surtout n'a rien à voir avec Metal Gear, ça n'a que de nom Metal Gear que parce que ça utilise le moteur de jeu du MGS5, hein. Et en dehors de ça, le problème, c'est que tu fais un perso, et si tu veux en faire un deuxième, et ben t'es obligé de payer 10 balles. Voilà. C'est le côté un peu MMO free-to-play, où tu peux créer qu'un certain nombre de persos, et puis qu'après, il faut que tu payes. Sauf que dans la plupart aujourd'hui, c'est quand même au moins deux persos que tu peux faire. Alors peut-être que dans Secret Wars tu peux en faire qu'un, quand j'y réfléchis, mais là quand même c'est triste, c'est un jeu que tu payes plein pot, être obligé d'avoir qu'un seul perso sinon tu dois payer, c'est quand même triste, voilà, sachant qu'apparemment voilà, c'est des jetons de survie, hein. Il faut 1000 jetons de survie et 10€ c'est 1150 jetons, parce que tu peux au plus bas tu peux acheter que... Enfin, si tu veux les 1000 jetons, il faut que tu achètes un pack à 1150, qui est donc à 9,99€. Les jetons, tu peux les avoir en jeu, mais c'est 30 pour chaque première connexion quotidienne. Ça t'apporte rien, quoi. Donc voilà. Je pense vraiment que c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Ce côté à faire payer un deuxième perso sur un jeu que tu payes plein pot et qui en plus est pas ouf comme jeu, quoi. Je vous conseille de jouer à MGS5, mais pas MGS Survive. Enfin, c'est même pas MGS Survive, c'est MGS en fait, parce que c'est Metal Gear Survive. Bref, en plus, c'est un jeu que j'achèterai jamais alors que je suis un méga fan de Metal Gear. Jouer à MGS3, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Voilà. Et là, je suis un peu triste parce que j'ai déjà fait les news. Et c'était très court. C'est ça d'être tout seul. Je pensais que ça prendrait plus de temps. C'est un peu la tristesse. Mais c'est pas grave. On va passer au test de cette émission. Qui est Kingdom Come Deliverance. Jeu auquel j'ai joué au moins 20 heures. Parce que j'ai tout joué en live. Et il y a au moins 20 heures, donc Un jeu qui est, ma foi, pas mal du tout. Qui a été développé par le studio War Horse Studios. C'est un jeu de rôle médiéval avec un côté très réaliste dans le médiéval. C'est-à-dire qu'il faut que vous dormiez, que vous mangiez, que vous vous laviez. Et avec un système de sauvegarde qui ne se fait que quand on dort, ou alors il faut acheter une boisson particulière qui coûte assez cher au début du jeu, parce qu'après apparemment on gagne vite de l'argent si on sait y faire. Et donc c'est plutôt cool. Bref, voilà, ça c'est les bases. Et pour y avoir joué donc une vingtaine d'heures, c'est assez fou en fait. Il est vraiment, vraiment. Comment dire? Le rendu visuel des paysages est juste fou. On pourrait dire que quand on regarde de près, les textures sont pas extraordinaires, et c'est vrai. En tout cas, sur console, j'ai l'impression même qu'avec la mise à jour qu'il y a eu aujourd'hui, limite les graphismes sont encore moins beaux qu'avant, ce qui est un peu triste. Mais encore une fois, même ça, en regardant de loin, vous marchez sur les chemins, vous montez à cheval. Vous montez à cheval et vous vous baladez, c'est un plaisir fou. C'est-à-dire que même quand vous faites pas une quête, en fait, rien que la balade, ça vous transporte. On a l'impression d'y être. On va croiser des personnes avec qui discuter, des gens qui sont morts et on fait ce qu'on veut avec. C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais si on veut fouiller le cadavre, on peut. Si on veut donner des pièces à une femme dans le besoin, on peut. Quand c'est prévu, parce que dans les villes, il y a des gens qui font l'aumône, mais on peut pas leur donner d'argent. Ça fait partie des petits défauts du jeu. Mais encore une fois, l'immersion est totale, voilà. Le vrai défaut, c'est surtout les bugs. Qui font que bah il y a des textures qui pop, mais à la limite ça c'est pas grave, mais c'est surtout que je peux comprendre que les gens aient râlé parce que hier par exemple il y a eu un bug qui a fait que un magasin était ouvert mais avait la porte fermée à clé quand il était ouvert, et quand il fermait la porte était ouverte, mais quand on rentrait bien sûr les gardes étaient contre nous. Voilà, c'est ce genre de bug qui bloquent un peu, qui font rager quand même. Hein. Mais comme dit sur le chat Boule DM, à chaque joueur a une histoire différente, et c'est vraiment ça. Il y a des trames de base, donc il y a les quêtes, il y a les quêtes principales, les quêtes secondaires et quelques activités. Mais vraiment, on se balade, on vit, vraiment, on vit à la place du héros, on est vraiment dedans. C'est avec en plus le système de combat qui se rapproche de For Honor. C'est-à-dire que c'est une histoire de direction avec le stick droit quand on est sur la manette. Puis après, les coups, on les fait en fonction de ça. Pareil pour éviter les coups. Donc on peut se protéger en mettant le stick dans la bonne direction par rapport à la direction où est l'ennemi. Pareil, on peut gérer des esquives et tout ça. Bref, c'est vraiment comme For Honor, le système de combat, mais en mieux, je trouve. Comme dans Oblivion, les compétences augmentent en fonction de leur utilisation. C'est-à-dire qu'à force de marcher, tu vas monter de la vitalité. À force de faire du cheval, tu vas monter ta technique de quand t'es sur un cheval, quoi. De cavalerie. Je sais pas si c'est ça le mot, mais en tout cas, voilà, vous m'avez compris. À force de crocheter des trucs, des serrures, vous pouvez vous améliorer en crochetage, etc., etc. Et une infinité de vêtements qu'on peut porter, autant d'utiles que d'inutiles. On peut jouer au dé et on peut tricher au dé aussi. Bref, vraiment, c'est un jeu assez incroyable. On gagne et puis voilà, il y a pas mal de choses qui sont vraiment géniales. On est vraiment dedans. En vérité, ça serait compliqué de vous en dire plus sans que vous. Enfin, en vrai, je crois que j'ai dit le plus important dans le jeu, c'est le système de combat qui est super cool. Le système de crochetage qui est pas facile. Mais qui est bien pensé finalement, mieux que la plupart des autres jeux. Le système de vol à la tire que j'ai trouvé génial, alors que beaucoup de joueurs n'ont pas aimé. Hein. C'est-à-dire que il faut garder la touche appuyée pour garder le temps que tu mets la main dans leur poche, Puis ensuite, après avoir fait ça, tu as ce temps-là pour fouiller dans les poches. Moi, je trouve ça beaucoup plus réaliste que dans un Skyrim, par exemple. Voilà, justement, si on devait comparer avec Skyrim, personnellement, je me suis beaucoup plus investi dans Kingdom Come que dans Skyrim. Parce que dans Skyrim, on a l'impression de faire un peu les quêtes en mode... comment dire, c'est-à-dire on vit un peu les choses dans Skyrim, hein, mais on les fait vraiment à l'affilée. On fait une quête, puis on fait une quête, puis on fait une quête, puis on fait une quête. C'est pas nul, hein, c'est, ça reste agréable. Mais dans Kingdom Come, c'est tu fais une quête, puis après tu vas aller dans un coin, puis tu vas te dire ah ben tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, il y a tellement d'activités et de réalisme finalement dans les décors et la balade dans les villes autant que dans les forêts. Que je pense avoir passé plus de temps à me balader et à jouer au dé que d'avoir fait des quêtes. Contrairement à Skyrim où j'ai passé plus de temps sur des quêtes qu'à me balader. Parce que dans un Skyrim, qui est encore une fois qui est un bon jeu, hein, mais tu vas te balader dans des décors qui sont quasiment tout le temps les mêmes dans Skyrim. Et assez plat finalement, parce qu'il n'y a pas d'arbres, enfin assez plat. Il y a des collines, il y a des montagnes, mais il y a pas beaucoup d'arbres dans un Skyrim. Ça fait pas forêt quand c'est une forêt. Alors que dans Kingdom Come, quand t'es dans la forêt, t'es vraiment dans la forêt. Franchement, en fait, je sais pas quoi ajouter. Parce que là, j'ai l'impression de défoncer Skyrim alors que c'est pas le but. Parce que Skyrim est très très bon aussi, mais en même temps, il date de 2011, Skyrim. Faut pas l'oublier, ça. Là où Kingdom Come date de cette année. Non, mais voilà, là, je lis le chat en même temps, là, et je vois que tout le monde trouve les bons mots. C'est un RPG complet qui réserve son lot de surprises. Et en plus, on vit vraiment au Moyen-Âge. Les persos évoluent suivant tes choix, et tout ça, et tout ça. Et il y a quelques enquêtes, Non, franchement, très, très, très, très, très, très bon jeu où tu fais ce que tu veux, finalement. C'est peut-être le premier RPG où j'ai vraiment l'impression de pouvoir faire ce que je veux. Et d'ailleurs, une chose que j'ai oublié de dire, c'est par exemple pour lire des livres, vous êtes obligé d'apprendre à lire avant. Et oui, parce qu'au Moyen-Âge, tout le monde ne savait pas lire. Il y a quelques coïts aussi, mais j'en dirai pas plus là-dessus. Non, vraiment, c'est peut-être le RPG ultime, le RPG que j'ai attendu depuis très très longtemps. Un RPG que j'ai attendu depuis très très longtemps, alors qu'avant, je pensais que ça serait Witcher 3, le RPG que... parfait. Et il était très bon, mais ça ne comblait pas mon besoin dans le RPG. Alors que ce Kingdom Come, ben vraiment, j'y suis vraiment. Je pense que ceux qui me regardent en live le remarquent, c'est que je suis vraiment à fond dedans. Et le jeu est vraiment passionnant, parce que, je sais, je me répète, mais j'ai l'impression de passer plus de temps à me balader qu'à faire des quêtes dedans, ce qui peut paraître ennuyeux finalement, alors que ça l'est pas du tout. C'est fou, c'est assez incroyable. Donc vivement les prochains patchs. Dont Fono qui rappelait qui rappelait d'ailleurs, j'ai l'article sous le nez parce que je l'avais prévu quand j'en parlais, qui rappelait que il y a le patch 1.3 qui prévoira de permettre de sauvegarder quand on quitte la partie. J'attends de voir comment ça sera fait, parce que quitter la partie sur le jeu console, c'est pas la même chose que quitter la partie sur le jeu PC, donc je sais pas trop je sais vraiment pas comment ils vont rendre ça. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y en a plein qui vont s'amuser à faire du vol à la tire en mode je quitte. Je serais peut-être le premier à le faire, hein, en quittant le jeu, relançant, et puis hop, on fait le vol à la tire et on charge jusqu'à ce qu'on ait réussi, des trucs comme ça, quoi. Sachant que déjà, il y a la 1.2.5 qui est arrivée sur PC et la 1.2 tout court qui est arrivée sur console aujourd'hui, qui a corrigé quelques bugs. J'ai fait des tests, donc comme je disais, les textures ont l'air moins belles, mais par contre, ça a l'air un peu plus stable. Mais ça fait toujours autant souffler une Xbox One X, alors que Assassin's Creed Origins, qui a des textures beaucoup plus... comment dire, qui a des textures beaucoup plus poussées, fait moins souffler la console. Donc c'est bizarre. Il y a un problème d'optimisation assez flagrant, que ce soit sur PC ou sur console, pour Kingdom Come. C'est le vrai problème. Peut-être qu'il aurait fallu qu'ils attendent quelques mois avant de le sortir. Après, c'est vrai que... Moi, je serais eux, je l'aurais sorti cet été, carrément. Ça fait peut-être un trou, il n'y aurait peut-être pas eu le million de ventes qu'il y a eu en une semaine, là. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils auraient dû essayer de peaufiner un peu mieux avant de le sortir. Je pense qu'à la limite, là, la date du 1.3, quand il sortira la 1.3, ça sera la date où ils auraient dû sortir le jeu, je pense. Vraiment. Après, je peux comprendre qu'ils veulent pas le sortir à la fin de l'année, étant donné qu'à la fin de l'année, il y a Red Dead Redemption 2 qui va sortir. Donc c'est sûr qu'être en face de Red Dead Redemption 2, ils auraient presque pas vendu de jeu, alors que leur jeu est fou. Et d'ailleurs, ça met la barre haute pour Red Dead Redemption 2, parce que on attend une immersion au moins aussi grande. En tout cas, moi j'attends une immersion au moins aussi grande dans Red Dead Redemption 2 au niveau western, quoi. Sachant que dans Red Dead Redemption 2, il y aura de la pêche, et moi j'adore pêcher dans les jeux, alors que dans Kingdom Come, il n'y a pas de pêche. Donc on verra tout ça, j'ai quand même hâte... J'espère que Kingdom Come va apprendre un peu ce qu'on va montrer un peu ce qu'on attend des RPG aux autres développeurs. Parce que celui-là, il a quand même mis 3 ans à être développé, mais à la base c'est un jeu indé. Hein. Ils ont trouvé un éditeur, mais à la base c'est un jeu indé, faut le savoir. Donc c'est peut-être pour ça que ça a mis autant de temps et qu'il y a autant de bugs. Mais bon. Voilà. Très très bon jeu. Je vous le conseille à tous. À la limite, attendez que la 1.3 sorte pour voir les retours. Mais vraiment, j'ai dû passer au moins 20 heures. C'est obligé, si ce n'est plus. Non, il est vraiment cool comme jeu. On passe de très très bons moments et on rigole bien sur le chat des fois. Sur des situations assez drôles. Donc voilà, faut qu'il règle les bugs et après ça sera le jeu parfait. C'est déjà pas loin d'être le RPG parfait, hein, je vous le dis. Mon numéro 1 en RPG de tous les temps. Hein. Je le dis, j'annonce. Hein. Pour moi, il est en numéro 1. Il est en numéro 1. T'aurais pas un PC pour le faire tourner? Non, j'ai pas de PC qui peut le faire tourner, moi. Moi, bon, malheureusement, mon PC peut pas le faire tourner. Mais à la limite, je préfère y jouer sur console, à ce genre de jeu. Comme ça, au moins, quand il y a des bugs, je sais que j'ai pas besoin de bidouiller derrière. Donc voilà. Il n'est pas mieux optimisé sur PC que sur console, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Si vous avez un gros PC, il fonctionnera mieux que sur un PC normal. C'est-à-dire que si vous avez un PC à 2500€, là, vous pouvez le faire tourner tranquille. Moins, il y a des vrais problèmes d'optimisation. Donc voilà. Je propose maintenant de passer au sujet suivant, qui est que aux États-Unis, il y a une discussion sur la création de serveurs privés pour les jeux en ligne qui sont fermés. C'est-à-dire que il y a eu pas mal de soucis qui fait que, par exemple, aux États-Unis, d'ailleurs ça doit être le cas en France, qu'il y a un souci de droit d'auteur. C'est-à-dire qu'on peut pas créer un serveur privé d'un jeu qui est fait par une entreprise. Non, 5M, il y a quelqu'un qui me demande sur le chat, genre 5M, non, ça n'a rien à voir, parce que là on parle bien des... La discussion, c'est vraiment sur les serveurs des jeux qui n'ont plus de serveur à eux, en fait. Parce que 5M, en tant que tel, c'est interdit. C'est toléré par Rockstar, mais c'est interdit par la loi, en vrai. Mais c'est toléré par Rockstar. Mais là, le sujet, c'est pas tout à fait ça. Là, le sujet, c'est vraiment pour les jeux qui sont terminés, qui n'existent plus. Genre, comme tout à l'heure, c'était Zatsune, je crois, qui nous parlait. Oui, voilà, c'était ça. Quand je parlais du projet P7, qui disait, voilà, bah, quand les serveurs sont fermés, après, t'es baisé. Alors... C'est vrai, aujourd'hui c'est le cas, mais il y a une discussion aux États-Unis qui propose la possibilité de le faire. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus violent qu'en France, dans le sens où en France, il n'y a pas de loi qui précise vraiment que c'est interdit. C'est plus les développeurs qui vont attaquer en justice en disant « c'est du code qui nous appartient, alors vous n'avez pas à l'utiliser ». Mais du coup, il y a quand même une propriété intellectuelle en France, mais qui, il y a une certaine tolérance tant que les entreprises n'ont pas tapé sur les doigts. Et donc il y a cette discussion aux États-Unis, donc c'est un musée des arts numériques et digitaux qui a fait la demande, parce que justement, le but c'est quand même de faire revenir, de continuer à jouer à des jeux perdus, Dark Age of Camelot par exemple, Rusty Earth, je connais pas, parce que c'est Zatsune qui nous dit ça sur le chat, je ne connais pas, mais pourquoi pas. Et pourquoi pas dans un futur, bon, WoW, c'est loin d'être terminé, mais imaginons que Blizzard se casse la gueule, ce qui n'est loin d'être le cas aujourd'hui, mais sait-on jamais. Ceux qui voudront quand même jouer à WoW, ça serait bien qu'ils aient le droit de faire des serveurs quand même, quoi. Elder Scrolls Online, j'ai tellement peur que ça se casse la gueule l'année prochaine. Je dis l'année prochaine, mais je pense pas forcément là, mais je veux dire, du jour au lendemain, ça peut toujours arriver que les développeurs de Tezo disent « bah non, il n'y a plus assez de monde, les gens achètent pas assez de trucs, voilà, donc on est obligé de fermer ». Et donc ça serait bien qu'il puisse y avoir des serveurs privés pour continuer à jouer à Tezo après. Y a le cas aussi pour Secret World, c'est là que j'ai eu le plus peur, parce que c'est un jeu que j'ai payé, et le studio est dans la merde au niveau du fric, c'est un truc de fou. Et ils ont quand même réussi à tenir le coup. C'est assez dingue, c'est assez dingue. Alors sur le chat, on me dit réserver PC ou console aussi, même vieille. Non mais alors là, c'est une question générale, c'est-à-dire que ils disent pas console ou PC. Je pense que sur console c'est plus compliqué parce que quand tu fais un serveur privé, faut qu'il y ait un lien qui se fasse avec le serveur privé et t'as pas d'invite de commande dans une console. Donc si à la limite en modifiant le jeu puis en faisant une ROM du jeu et en utilisant cette ROM pour l'utiliser sur la console à la limite, ça doit pouvoir se faire. En vrai, ça doit pouvoir se faire. Mais voilà. Donc c'est une discussion qui où on aura le, on sait pas encore quand est-ce qu'on aura le résumé de tout ça, mais apparemment ça sera entre le mois de mars et avril, donc on saura ça au plus tard fin avril 2018. Et Zatsune qui dit c'est ce qui me pousse à essayer d'éviter les jeux en ligne ces dernières années. Et oui, c'est aussi ça qui fait que ça m'énerve un peu. Genre aujourd'hui, par exemple, moi j'ai Destiny que j'ai jamais fini parce que j'ai envie d'y jouer, mais c'est juste que je prends pas le temps. En fait, j'ai trop de jeux et pas assez de temps en fait. Mais j'aimerais bien jouer à Destiny en fait. Et je sens que quand je vais vouloir m'y mettre vraiment, ils vont fermer les serveurs parce qu'il y aura Destiny 3 qui va sortir quoi. Voilà, c'est ça le problème des jeux aujourd'hui. Qui ont quasiment tous aujourd'hui une partie multijoueur. Même si Ubisoft a l'air de laisser tomber un peu ça. Avec le dernier Assassin's Creed, il n'y a aucun contenu multijoueur, il y a juste les photos que tu prends qui se partagent sur leur serveur, mais au pire, ça c'est pas grave. Et moi, je pense que s'ils arrivent à faire ça, s'ils arrivent à se mettre d'accord aux États-Unis, et donc ça sera pour le monde entier, hein, enfin pour le monde entier, au moins chez nous aussi, ça y sera, c'est sûr. Ça serait cool, parce que si on sait qu'on peut ressortir un vieux jeu qui date beaucoup et tout ça, ça serait vachement cool. Parce que déjà, il y a les vieux Age of Empires 2 et le premier qui sont plus jouables aujourd'hui, ou alors fallait bidouiller au bout d'un moment. Ou alors fallait faire un faux local avec un logiciel dont j'ai oublié le nom, qui permet de faire un tunnel en faisant croire au jeu que c'est du local alors qu'en fait c'est en ligne. Mais bon, maintenant, les développeurs, limite, ils nous font des remasters pour qu'on puisse rejouer en ligne aux anciens jeux, donc c'est un peu triste. Un peu triste. Donc voilà, moi je trouvais que c'était une bonne chose qu'il y ait une discussion là-dessus. J'espère que ça va aboutir à quelque chose de positif. Mais encore une fois, c'est pas pour ça que les jeux récents auront droit à des serveurs privés. Hein. Les serveurs privés Minecraft où tu joues gratos alors que normalement faut un abonnement, c'est illégal et ça restera illégal tout le temps, quoi. Il y a BoulDM qui nous parle d'une autre news, je vais vous en parler parce que j'y pensais plus à ça et c'est vrai qu'on en a pas parlé dans la dernière émission parce que ça s'est passé entre temps. Il y avait des rumeurs comme quoi Microsoft rachèterait EA et non, ça serait pas pour contrer Steam avec Origin ou plus Windows Store, c'est pas du tout ça. Il y a juste une rumeur qui dit ça, mais la théorie la plus probable n'est pas de contrer Steam avec Origin. Avec Origin plus Windows Store, parce que franchement, il n'y a quasiment aucune possibilité que ça arrive, ça. Je veux dire, même si Microsoft, s'il faisait ça, il se casserait la gueule parce qu'il n'aurait pas assez de jeux, donc c'est sûr que non. La plus probable des raisons pour lesquelles il y aurait ça, ça serait pour développer le catalogue du Xbox Game Pass. En gros, il y a le EA Access ou Origin Access sur PC. Ça par contre, ça pourrait être intégré au Xbox Game Pass, et là pour le coup c'est intéressant pour eux, parce qu'ils pourront jamais contrer Steam, jamais. Gabe Newell avec Valve, ils sont trop puissants, aujourd'hui tout le monde va sur Steam, personne va ailleurs, je veux dire, oh, j'ai des jeux sur Origin, j'ouvre pas Origin, quasiment jamais quoi. J'ai des jeux sur Uplay, je vais quasiment jamais sur Uplay, je vais quasiment que sur Steam parce que c'est le plus pratique. Donc je pense vraiment que c'est pas pour contrer, parce qu'ils jamais ils arriveront à contrer Steam. Jamais ils arriveront contre Steam. Et sur le chat, Bouledame, il dit « Ouais, mais tu sais qui est en tête de Steam ? Deux anciens de Microsoft. » Certes, mais Steam, ça existe depuis des années et des années. Je veux dire, Microsoft, c'est une vieille entreprise. Donc j'ai envie de dire, quelle entreprise aujourd'hui n'a aucun membre de Microsoft chez elle ? Vraiment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y aura à dire dans cette émission. Demain, il y aura des news. Malheureusement, je pourrais peut-être pas faire l'émission demain soir, et c'est ça qui est un peu triste. Mais sachez qu'il y a demain... Mais c'est passé pour ceux qui écoutent en podcast. Des infos sur Shenmue 3 qui devraient sortir. Shenmue 3 qui s'annonce très mauvais, hein. On faut dire ce qui est. Hein. Tout le monde espère qu'il sera cool. Mais tout le monde sait que ça sera mauvais. Voilà. J'espère une bonne surprise. Mais je sens l'horreur. Je sens l'horreur, malheureusement. Je plains ceux qui ont participé au Kickstarter. Je plains ceux qui ont participé au Kickstarter. Je m'attends vraiment à quelque chose de pas ouf. De vraiment pas ouf. Au mieux, ça aura la qualité du 2 et du 1, comme ils étaient à l'époque. Donc ça sera cool, mais il manquera trop de trucs. Ça sera, à mon avis, ça va être rigide, ça va être... Non, je le sens pas. Je vous le dis, j'annonce. Je ne sens pas Shenmue 3. Je ne le sens pas. Donc quand il sortira... Vous pourrez le dire, Polka ne le sentait pas et il avait raison. Comme le coup du décalage deux fois de Red Dead Redemption 2. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Et je vous dis à la prochaine.